Nejwa Mimouni est professeure d'histoire-géographie à Lille. Elle a contacté le collectif Fumigène et il a choisi de publier sa lettre bouleversante qu'elle a écrite à ses enfants. D'origine maghrébine, elle s'adresse à ses enfants métis. Un texte indispensable à lire pour comprendre les ressorts du privilège blanc et la lutte à mener et transmettre contre toutes les formes de domination. Mes enfants, mes chéris, ces dernières semaines nous ont montré des images cruelles, effroyables, sur la violence et le racisme d'État. Des scènes qui mettent en lumière le côté obscur de l'humanité et une réalité crue, le racisme tue. Vous avez été heurtés, choqués, révoltés, et pourtant vous n'avez rien vu ni entendu des images de torture qui ont circulé sur les réseaux sociaux. George Floyd, Adama Traoré, Sabri, Mohamed, le racisme tue. Ne pas avoir la bonne couleur de peau tue. Aujourd'hui, encore. Et l'indifférence tue. Et le silence tue. L'insensibilité tue. Le déni tue. Lorsque j'étais ado, j'imaginais un monde plus juste, ouvert et tolérant, pour mes enfants, pour vous. Je croyais naïvement que ça ne pouvait que s'améliorer dans le futur. Perdu. Mes chéris, le hasard de votre histoire et de la génétique font que vous êtes blanc. Votre père est blanc et français. Oui, vous avez le privilège d'être blanc. Avec tout ce que cela induit comme avantage. Votre couleur de peau, votre nom de famille, votre nationalité, votre origine sociale ne seront jamais un obstacle à trouver un travail, à entrer en boîte de nuit ou à voyager dans le monde entier. Dans notre société aujourd'hui, votre couleur de peau vous protège et vous garantit des privilèges. Mes enfants, vous avez le privilège d'être blanc. Vous n'aurez pas à subir les insultes les plus iniques et dévastatrices que peuvent être une remarque, une agression ou même un crime raciste. Sale bougnoule, bico, sale nègre, retourne dans ton pays. Mes enfants, vous avez le privilège d'être blanc. Vous ne serez jamais humilié, moqué, et n'aurez pas à souffrir d'un black face, d'un yellow face ou d'un arab face lors d'une fête étudiante. Entendre des cris de singe dans un stade de foot, ou l'imitation d'un accent pour faire rire lors d'un dîner. On ne vous traitera pas de racaille, ni de beurette, ni de café au lait. On ne vous déshumanisera pas en considérant vos corps comme exotiques. Vos corps ne seront jamais fétichisés ou réduits à un fantasme sexuel. Mes enfants, vous avez le privilège d'être blanc. Vous ne serez jamais suspecté ou contrôlé et accusé à tort en raison de votre couleur de peau. Les vigiles, les vendeurs, ne vous suivront pas à la trace dans une boutique, ne vous fouilleront pas, ne vous accuseront pas d'avoir volé. Mes enfants, vous avez le privilège d'être blanc. Vous n'aurez pas à entendre en soirée des remarques insidieuses et malveillantes concernant vos origines. Mes enfants, Vous avez le privilège d'être blanc. Certains professeurs ne vous mépriseront pas, ne vous mettront pas au fond de la classe, ou ne seront pas hautains et malveillants à l'égard de vos parents étrangers. Certains de vos collègues n'auront pas la bêtise de vous ignorer ou de vous détester. Les médias et les journaux ne feront pas une couverture obsessionnelle sur les blancs. Certains soignants et médecins n'éprouveront pas de dégoût à toucher votre corps ou minimiser votre souffrance physique en raison du symptôme méditerranéen. Et lorsque vous vous présenterez à un entretien d'embauche, vous ne serez pas angoissé par l'idée que votre nom ou votre couleur puisse poser problème. Lorsque vous dormirez chez des amis pour une soirée pyjama, leurs parents n'insisteront pas sur vos particularités culturelles ou faire référence au danger de votre religion. Mes enfants, vous avez le privilège d'être blancs. Vous ne subirez pas le contrôle aux faciès, vous n'entendrez pas de remarques racistes de la part des forces de l'ordre, vous ne risquez pas d'être tabassé ou de mourir entre leurs mains en raison de votre couleur de peau. Vous ne subirez pas le système policier raciste, sexiste et dangereux qui sévit en France. Mes enfants, vous avez ce privilège. Votre arrière-grand-mère, arabe et noire, vos grands-parents, vos tantes et oncles, nos cousins, moi, votre maman, nous n'avons pas pu bénéficier des avantages que je viens de vous citer. En revanche, pas de mort. Une chance. J'aurais voulu vous les exagérer, les inventer, les imaginer, ces vexations humiliantes, ces oppressions du quotidien, mais non. J'en ai honte parfois. Je n'aime pas être une victime. Je suis forte et fière, et pourtant, je n'aime pas en parler, mais nous l'avons vécu. Et je n'ai pas tout dit. Pas la force. J'aurais voulu les enfouir et les oublier à jamais, mais on n'oublie pas. Jamais. On travaille, on s'amuse, on danse, on chante, on aime, mais on n'oublie pas. Ça reste dans un petit coin de la tête. J'étais persuadée que ça allait disparaître. Eh bien, non. Parfois, mon semblant de white passing, certains codes, façon de s'exprimer, ma couleur de peau, m'a protégée de certaines situations. « On n'aime pas les Arabes, mais toi, t'es pas pareil. » Je l'ai entendu maintes fois, cette remarque de merde. Le racisme est injuste, car il te met à la marge de notre société, de notre monde. Il renforce toutes les autres inégalités. Il te rend vulnérable. Il est une charge mentale qui te met dans une insécurité morale et physique constante. Il te fait douter de ton corps, de tes cheveux, de certains traits physiques, de ce que tu renvoies à la majorité, de ta légitimité dans l'espace public, en ville, en soirée, dans l'intimité. Il te fait douter, il te ronge même. J'ai appris avec le temps, à le surpasser, à l'affronter, à le combattre. Il a fallu du temps. Je suis forte, fière, puissante désormais. Mais c'est une blessure qui reste à jamais. Une blessure qui reste à vie. Une blessure qui est ravivée à chaque événement d'actualité, à chaque propos. Une blessure qui fait que vous vous interrogez souvent sur votre légitimité à être dans cette société. Parce que oui, le racisme attaque votre légitimité à être et à exister. C'est une colère aussi, une colère contre l'injustice. Et là, je pense à toutes les mamans du monde, en France, aux États-Unis et ailleurs. À ces mamans tourmentées à l'idée que leurs enfants puissent croiser un policier. À ces mamans meurtries, avides d'avoir perdu leur enfant, sans que justice ne soit jamais rendue. Mes enfants, si vous saviez à quel point je vous aime, rien que l'idée qu'il puisse vous arriver quelque chose me rend malade. Égoïstement, je me rassure en me disant que vous êtes épargnés. C'est horrible d'en arriver là, de penser ça et de me dire « mes enfants seront à l'abri » et pas les autres. Oui, j'ai le privilège d'être une maman d'enfants blancs. Le hasard de mon histoire est de la génétique. Et je vois toute la différence. Et c'est tellement injuste. Je veux que toutes les mamans puissent bénéficier de ce privilège, à savoir que leur enfant, peu importe sa couleur, soit considéré, soit respecté et soit en sécurité. Mes enfants, vous avez ce privilège. Je ne vous demande pas d'être coupable d'être blanc ou de me parler de racisme anti-blanc, vous autres qui brandissez ce fake, stop! Mes enfants, ne cédez jamais à cette imposture que certains essaieront de vous mettre dans la tête, une imposture inventée par le Front National et qui inverse la culpabilité et qui disqualifie les victimes d'office. La tentative de symétrie est juste impossible et malhonnête, historiquement et socialement. Bordel ! Mes enfants, ce monde est pourri, indignez-vous. Mes enfants, sortez de votre zone de confort et n'ayez pas peur d'être bousculés et de bousculer, de faire preuve d'empathie, d'humilité et d'altruisme du haut de ce privilège à l'égard de l'autre, de l'opprimé. Je vous demande, mes chéris, d'être conscients et d'agir dans votre future vie d'adulte aussi. D'être des alliés, mais ne jamais parler à la place des concernés. De ne jamais minimiser les sentiments des victimes. Si vous saviez à quel point c'est douloureux de ne pas être entendu, de ne pas être compris. Parmi elles, vous allez probablement rencontrer des personnes puissantes, inspirantes, mais blessées, en colère. Soyez à leur écoute, ne jugez pas, écoutez, faites-leur confiance, vous êtes blanc. Il sera de votre devoir de partager tous les avantages liés à ce privilège et de ne rien attendre en retour. On ne vous doit rien. En famille, avec vos amis, vos petits amis, il faudra être sans concession devant les commentaires et les attitudes racistes, sexistes, LGBT-phobes. Ne pas céder aux médisances cruelles et xénophobes. Lutter contre toutes les discriminations et user de vos privilèges et de votre position pour lutter contre ce fléau qui tue, s'indigner et faire en sorte de changer ce système inégalitaire, violent, raciste. Car tant qu'une partie de vos camarades ne profite pas de votre liberté d'être, vous ne pourrez jamais l'être totalement. J'ai confiance en vous. Vous êtes fort. Je crois en vous. En votre génération, votre intelligence, votre sensibilité, votre humanité. Je suis fière de vous. Je vous aime. Mes enfants. Maman. Black Lives Matter. Hashtag moi aussi j'ai peur devant la police. Hashtag Adama Traoré. Hashtag George Floyd. Hashtag pas de justice. Pas de paix. Merci infiniment, Nejwa Mimouni, pour votre lettre et pour m'avoir donné l'autorisation d'en faire la lecture. C'est mon privilège de tenter d'aider tout le monde.